Merci pour ce propos introductif et ces différentes prises de parole. En effet, remercier Marielle, Laurie, Sandrine pour l'UFCV et les Francas de la Loire, mais représentés aussi ici, bien sûr, par leurs directions respectives, à la fois Majda Martibes et Cyril Ortala pour les Francas 42 et l'UFCV. Peut-être un temps de parole également pour lancer à nouveau et présenter cette journée départementale. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors, juste pour compléter un peu la prise de parole des partenaires, donc je remercie Brahim Mezaber, donc partenaire département ici présent dans la salle. Merci Brahim pour ta présence à ces comités de pilotage pour ce pôle ressources handicap. Et en qualité d'élu, donc nous rejoindra en plus de Siam Labiche cet après-midi, monsieur Yves Partra du département. Voilà, donc c'est avec grand plaisir et une profonde conviction que nous vous accueillons aujourd'hui ici à cette deuxième édition, les moments clés, journée départementale sur l'inclusion des enfants et des jeunes en situation de handicap dans les accueils de loisirs. Dans ce très beau lieu, la passerelle, merci à monsieur le maire, à ses agents, élus, à Aymeric. L'autodétermination, le lien avec la famille sont des sujets essentiels qui touchent au cœur même nos engagements au Franca, à l'UFCV et à toutes nos autres fédérations d'éducation populaire, et je remercie celles ici présentes aujourd'hui avec chacune d'entre nous nos spécificités. Le but du jeu, c'est que l'autodétermination, chacun aura sa propre définition, je le souhaite, à la fin de cette journée, mais c'est de dire que chaque enfant puisse avoir sa place pour construire son parcours de vie. L'engagement pour une société plus inclusive, l'inclusion des enfants et des jeunes en situation de handicap dans les accueils de loisirs ne doit pas être une simple ambition, mais une réalité concrète. Souvent encore, les lois adoptées par manque de moyens ne produisent pas les effets escomptés. Trop souvent encore, les familles se heurtent à des difficultés d'accueil, des incompréhensions, et on s'en rend compte tous les jours, malheureusement, des injustices. Notre rôle en qualité d'acteur éducatif est de lever ces barrières et de garantir un environnement adapté, bienveillant, bien traitant et accessible. Cela passe par, bien évidemment, la formation toujours et encore de nos équipes pour accompagner, comprendre les besoins spécifiques et des publics, toujours en évolution, des espaces et des activités repensées pour tous et sans distinction, une approche centrée sur l'enfant et le jeune, où ils sont reconnus comme acteurs, avec un grand A, de leur propre développement. Et dans nos centres de loisirs, très concrètement, cela se décline en leur donnant la parole, qu'ils soient entendus et qu'ils puissent avoir donc leur pouvoir d'agir dès le plus jeune âge, adapter nos pratiques pour qu'ils puissent faire de vrais choix en toute autonomie, éviter la surprotection qui peut freiner le développement personnel. L'autodétermination est un levier qui permet à chaque enfant, à chaque jeune, de construire son propre chemin, et ce, avec confiance. Un engagement collectif, c'est pour ça que nous sommes là tous aujourd'hui. Cette journée se veut et est une formidable opportunité pour échanger, partager des expériences et construire ensemble des solutions et des pratiques durables. Nous avons réuni aujourd'hui des professionnels, des partenaires, des spécialistes, et je suis convaincue que cette journée fera émerger de nouvelles réflexions et de nouvelles pratiques inspirantes et innovantes. Je tiens à remercier chaleureusement chacun d'entre vous, surtout Sandrine, Marielle, Laurie, les coordinatrices de ce pôle ressources, et qui font qu'aujourd'hui cette deuxième édition soit possible, et bien évidemment qui œuvrent au quotidien pour une éducation inclusive plus juste et plus ouverte. Je vous souhaite à tous une journée riche en échanges, en rencontres, en partage et en perspectives. Merci. Bien. Je devais vous présenter la journée. Je ne vais pas le faire. parce que vous avez le programme, vous savez lire, et puis on n'a pas le temps. Donc voilà. Et puis, très honnêtement, je suis très très gêné de parler de cette journée et du lien aux familles. Depuis ce matin, tous ceux qui m'abordent me demandent aussi des nouvelles, etc. Et je ne peux pas faire des blagues là sur scène et parler de cette journée avec le lien aux familles sans avoir une pensée forte pour l'équipe de Bon Son, dont un animateur a été agressé par un papa mardi, ça fait moins d'une semaine. Et il m'est très difficile, pour avoir accompagné cette équipe et la mairie, de simplement passer à autre chose aujourd'hui. D'autant plus que pour moi, ce qui s'est passé interroge directement aussi cette question, alors bien sûr du lien aux familles, mais aussi l'autodétermination. Parce que quand une équipe fait son boulot dans le cadre d'un signalement ou autre chose, elle joue pleinement ce qu'on lui demande en termes de responsabilité. Et je crois qu'il y a un film qui dit « des grands pouvoirs impliquent des grandes responsabilités ». Mais à quel moment des responsabilités impliquent des grands pouvoirs ? On demande à nos équipes de travailler à l'autodétermination, mais à quel moment c'est possible quand nos propres équipes sont empêchées d'être dans l'autodétermination ? Aujourd'hui, on est dans un moment, et je me tourne vers... nos institutions et peut-être plus particulièrement vers les représentants des parlementaires, où tout notre écosystème autour de nous est en train de s'effriter. C'est des moyens en moins sur la justice, sur la prévention, sur la culture, sur le social, sur l'éducation populaire. Comment peut-on demander à nos équipes de travailler ces questions d'autodétermination quand elles-mêmes, elles ne sont en tout cas de moins en moins considérées, de moins en moins on leur donne le pouvoir d'avoir leur responsabilité à mettre en œuvre. Alors je m'excuse, c'est vrai que ça détonne peut-être un petit peu, mais c'est tellement en lien que je ne pouvais pas aujourd'hui simplement passer rapidement là-dessus. Alors, sans en faire des caisses, je voudrais simplement dire que un des premiers freins pour moi à l'autodétermination, c'est quand on s'auto-censure, et la peur et les manques de moyens sont un élément pour s'auto-censurer. Une des réponses, par contre, c'est le collectif. Donc je suis ravi d'avoir ce moment de tribune aussi pour en discuter, parce que c'est bien collectivement qu'on pourrait, demain, combattre ce type de choses qui est en train de se mettre en place. Alors collectivement, bien sûr, toutes les équipes d'animateurs, je pense aussi à tous les collaborateurs des fédérations d'éducation populaire qui sont toutes représentées aujourd'hui et que je salue et que j'associe à notre travail. Donc je voulais simplement terminer en disant que j'espère que collectivement, cette journée sera un élément... de réponses, mais pas que, sur tous ces éléments-là qui nous interrogent, sur ce monde qui, autour de nous, est en train un petit peu de se désagréger. Et nous sommes au premier plan pour accompagner les familles. Et pour terminer, je voudrais simplement vous demander de ne pas m'applaudir, mais peut-être d'applaudir les équipes de Bon Son. Il y a des représentants, pas tous, beaucoup malheureusement n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais aussi de vous applaudir, vous, équipe, parce que c'est vous qui faites ce boulot. Et merci à vous de poursuivre ce combat. Merci à vous. Merci.